Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, platine, papa. Hello, hello, la planète RPL, bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL, en écoute sur le 99FM, via la radio numérique en DAB+, les applications ou en écoute directe sur le site de la radio, l'adresse est le www.rpl.radio. Kimbo pour vous accompagner jusqu'à 9h. Auparavant, c'était Tonton Jay et son émission Back to the House. Il reviendra samedi prochain dès 6h. Nous sommes partis pour 2h de musique électronique. On va partir dans la première heure sur une ambiance tech house. Et dans la deuxième heure, ce sera plutôt une ambiance techno. Donc si t'es au boulot, on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move, t'emballer. Allez, on continue ton week-end électronique. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. Like a flag.

like when you were at work and you said to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight, I'm gonna go out, and you put on your favorite shoes or you put on your favorite jeans, you get into the mood, and you pull up to the club. It's a long line, but you don't care because you get up. Thump outside those doors. And you get that feeling all over again. And you get that chill up your spine because DJ's playing your favorite songs back to back. And you're not in yet, but soon you know you're gonna be. Oh, man, what's that feeling called again? What's that feeling called when finally you're in and you're standing in the middle of the floor and you open your arms real wide to accept those vibes, all those positive vibes, and your family's there. All those people that are experiencing the same thing that you are experiencing at that moment in time. What's that called again? What's that called again? What's that called when 1 minute you're on one side in the room and the next minute you're on the other and you're not quite sure how you got there, but you know somehow, some way you travel through the sound and you did some twisting, some turns, and next thing you know, you're upside down. And oh man, what's that called again? Whatever it is, I like it. I like it a lot. Oh man, what's that feeling called again? Dance club, podcaster, du samedi matin. M sur les ondes d'RPL. replays sur le www.fréquenceclub.com. I can't even see you. Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. We'll be right back. Fréquence Club s'achève. Restez calés, allez vous chercher un café, un thé ou ce que vous voulez. On va enchaîner avec une deuxième heure. Thank you. Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec. Vous n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24. Joyeuses fêtes sur RPL. C'est cela, oui, oui, oui. Allô, SOS des Saintes Amitiés, bonjour. Et tapis-vous là ! Les fantômes. C'est cela, oui, oui, oui. Les fantômes. C'est cela, oui, oui, oui.